Chaque bijou renferme un secret, une histoire d'amour ou de séparation, un mythe ou une malédiction. Découvrez La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels qui vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. À retrouver prochainement sur toutes les plateformes d'écoute. Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. S'envoyer en l'air, l'aventure des ballons et des dirigeables. Quelle audace que celle des aventuriers, des aventurières du ciel. Quelle confiance aussi dans la science, dans leur savoir au moment de prendre de l'altitude. Pour celles et ceux qui s'élèvent, l'émotion et le risque sont intenses. Pour le public aussi, le vertige est de la partie air chaud ou gaz, avec ou sans moteur, ballon libre ou captif. Une histoire captivante. Détachons simplement ceux dont le nom reste lié à la conquête de l'espace. Montgolfier nous inspira le téméraire espoir de nous approcher des astres. L'inventeur réel, c'est Joseph, mais sans son frère Étienne, on n'aurait pas entendu parler des ballons. Au revoir tout le monde. Et bienvenue aussi, Marie Thébault-Sorgueur, bonjour. Bonjour. On parle beaucoup des frères Montgolfier pour mettre un point de départ à cette aventure en ballon. Non, il n'y avait rien avant, les frères Montgolfier ? Disons que avec la découverte de l'aérostation, des expériences, on passe du rêve, de la fiction à la réalité. Mais ce n'est pas que l'affaire des frères Montgolfier, c'est l'affaire de toute une société et d'une multitude d'inventeurs, d'entrepreneurs, d'expérimentateurs qui ouvrent ce nouveau chapitre. Luc Robène, bonjour. Bonjour. Ben c'est ça, il ne faut pas réduire à un nom, même s'ils sont deux, les deux frères Montgolfier, cette longue aventure. J'aime beaucoup l'idée que c'est une société qui, à la fin du XVIIIe siècle, produit cette première ascension en ballon. Oui, c'est une société dans un cadre particulier qui est aussi celui de la révolution scientifique, nouvelles connaissances sur la chimie pneumatique, les gaz, et puis qui... Finalement, invente littéralement un modèle qui n'existait pas dans la nature, hein, celui du ballon, cette sphère étonnante, alors qu'on était, dans la majeure partie des cas et des imaginations, plutôt sur le modèle de l'oiseau. Eh oui, évidemment, se dire on va voler comme un oiseau, donc faut coller des ailes à l'humain, un peu ambiance Icare, mais ça se termine mal. C'est cette révolution aussi dans les représentations. Marie Thébault-Sorgueur, vous êtes l'autrice d'Aérostation au temps des Lumières, vous êtes chargée de recherche au CNRS, et dans cet ouvrage publié aux presses universitaires de Rennes, vous retracez cette aventure-là. Changement de représentation, l'idée du ballon. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de légendes qui sont associées à l'aventure des frères Montgolfier. Alors, il y a beaucoup de légendes, effectivement, sur comment l'idée leur serait venue. En fait, c'est une réactivation. Vous avez donc pu parler hier de cette, de l'idée du vide aussi, qui et de la pneumatique et de l'élasticité de l'air. Donc, on a quand même un champ conceptuel qui s'est ouvert à partir de la fin du XVIIe siècle et qui se matérialise à travers cette expérience dont. Là, je pense que la principale qualité est de faire sortir du cabinet de la physique expérimentale ou de la chimie l'expérience pour penser la proportionnalité d'un principe qui va permettre, ces machines lourdes et de grande taille, la possibilité effectivement de contrer l'apesanteur et d'emmener des charges lourdes, y compris des hommes. Donc c'est en ceci qu'on voit une sorte de transformation, mais qui va réactiver en même temps tout un imaginaire ancien et tout en... mais qui aurait été impossible puisque les frères Montgolfier n'ont pas inventé la force ascensionnelle de l'air chaud. On est bien d'accord. Donc, cette invention n'aurait pas été possible sans le cadre de la chimie pneumatique et de la différence des airs, de la poussée d'Archimède, de la rupture d'équilibre qui est celle sur laquelle se fonde l'expérience et qui va créer là tout un nouveau répertoire, un nouvel objet qui, à partir duquel vont se réactiver tous les imaginaires antérieurs et créer comme ça un nouveau chapitre, y compris pour les imaginaires du vol. C'est très éclairant ce que vous dites là, parce que bien sûr, depuis que l'humain fait du feu, il a constaté que quand on met quelque chose au-dessus, ça a tendance à monter. Alors pourquoi comprendre qu'il faille attendre la fin du XVIIIe siècle ? Ben c'est tout ça, c'est pas simplement se dire tiens, les frères montgolfiers ont mis une chemise au-dessus du feu, puis ça monte et ils inventent la montgolfière. Luc Robène, vous êtes professeur à l'université de Bordeaux. C'est vraiment ça, parce que c'est une question qui revient souvent, mais enfin, pourquoi à ce moment-là ? Et c'est pas juste le côté pratique qui permet aux frères montgolfiers d'inventer la montgolfière. C'est vraiment l'ensemble de cette société, et on l'entend bien, ils ont l'esprit qui est apte à imaginer ça à ce moment-là. Oui, alors on l'a dit, l'ensemble de la société, les connaissances nouvelles sur ce qu'on appelle les différentes espèces d'air. Hein, on va en particulier découvrir ce qu'on appelle l'air inflammable, c'est-à-dire l'hydrogène qui servira au professeur Jacques Charles pour son ballon. Il y a cette idée aussi que les frères montgolfiers notamment, ils n'ont pas réellement théorisé ce qu'ils font. Ils comprendront qu'après, ils vont être plutôt sur une approche assez empirique. Une fois qu'ils ont compris que, disons, cet air chaud qu'ils assimilent d'ailleurs à un gaz, au début, on pense que l'air chaud c'est un gaz, ils vont faire différentes expériences, augmenter la taille de l'enveloppe et regarder quelle est la charge qu'il est possible d'enlever et petit à petit en arriver à cette idée de la possibilité peut-être d'enlever un poids et peut-être un être humain. Ils sont aussi assez rapidement obsédés par l'idée qu'il faut vraiment prendre date, comme ils disent, c'est-à-dire officialiser leur découverte. Donc ça c'est un élément important aussi si on regarde un petit peu ce qu'a pu être l'emprise de la société, c'est-à-dire prendre date pour officialiser cette idée d'une invention qui est quand même une déchirure dans les représentations que la société peut construire justement par rapport aux possibilités de l'humain. Oui, parce que Marie Thébault-Sorger, puisque l'on dit que la société produit et permet cette invention, la montgolfière, ça veut dire que les frères montgolfiers ne sont pas les seuls. Non, et surtout, même dès l'origine, c'est d'abord une entreprise familiale. Ils ont un objectif, c'est peut-être d'obtenir le titre de manufacture royale. Donc, ils sont motivés plus par une recherche de crédit symbolique, puisque leur invention ne se fait pas dans la continuité de leur activité d'une grande manufacture de papier, très, très innovante à l'époque. Et il faut juste se replacer dans le contexte de ce qu'est l'effervescence inventive à la fin du XVIIIe siècle. Où ce que l'on va inventer, en fait, c'est ce qu'on va mettre en évidence, c'est cette idée du droit naturel de l'inventeur, du génie, mais de fait, et qui va être sacré avec la Révolution en même temps que le droit d'auteur, mais nous sommes dans un contexte où il y a beaucoup d'expérimentations parce qu'il n'y a pas de brevet. Les inventeurs, les entrepreneurs sollicitent les ministères, les différentes instances, et il y a beaucoup d'expériences préalables qui sont faites pour obtenir des expertises scientifiques et aussi pour mobiliser des publics, y compris par souscription. Donc, deux ans plus tôt que les frères montgolfiers, en 1782, vous avez Jean-Pierre Charles, qui va devenir après un des plus grands aéronautes, qui, avec un ensemble de souscripteurs, tente de lancer une machine volante en plein cœur de Paris qui ne fonctionne pas, qui est une machine à ailes battantes, et qui va devenir la risée de tout Paris. Eût-il réussi ? Qu'en serait-il ? Donc, il faut vraiment se représenter ce moment où on a les berges de la Seine, les spectacles d'automates. Enfin, on a aussi cette effervescence inventive et toute cette mise en spectacle de la performance technique crée aussi ce contexte. Et dans cet ensemble, eh bien, la nécessité, effectivement, comme le dit Luc, de reconnaître une priorité. Ouais, parce que la priorité, c'est déjà, après on l'entend bien, c'est d'obtenir quelque chose de la part du roi, très bien, et puis aussi le prestige, être le premier à faire quelque chose, c'est pas rien non plus. Luc Robène, vous avez évoqué l'air, mais oui, bien sûr, l'air chaud, c'est une chose. Les frères montgolfiers ont pu penser qu'il s'agissait d'un gaz, très bien, mais surtout rappeler que avant le XVIIIe siècle, il y avait de l'air. Et qu'à partir du XVIIIe siècle, grâce aux travaux, notamment ceux de Lavoisier, il y a des gaz différents. C'est aussi fort dans nos représentations mentales, ce qu'on respire, ce qu'il y a autour de nous, c'est pas juste de l'air. Oui, tout à fait. Ben, c'est comme je l'ai déjà indiqué, cette espèce de construction d'un regard rationnel hein, sur ce qui nous environne et les différentes espèces d'air. C'est un bain culturel et scientifique qui est vraiment décisif hein, dans l'invention et dans ce qu'on peut imaginer aussi pouvoir faire. Alors, du reste, à partir du moment où on va savoir s'élever dans les airs, le second, je dirais. Programme, ça va être de regarder en altitude ce qu'on peut étudier et comment on peut approcher justement l'air, l'atmosphère et on va essayer d'entreprendre un certain nombre de mesures en altitude. Ça sera quand même assez caractéristique des premières ascensions. On va s'élever dans les airs et en même temps on va découvrir un monde qui jusque-là était un monde un peu fantasmé, l'altitude, ce qui est en l'air. Est-ce qu'on peut survivre ? D'ailleurs, on n'en sait rien. C'est une vraie question parce que au moment où des gens comme Pilâtre de Rosier vont se proposer pour s'élever pour la première fois dans les airs et demander la permission au roi, hein, Louis XVI, on hésite beaucoup. Hein, le roi va mettre beaucoup de temps à accorder cette autorisation et il y a ce fantasme de l'aérien, de ce qui est en haut. Et de l'inconnu. Donc voilà, ce regard qu'on porte justement sur l'air, sur ce qui nous environne et ce qui nous fait vivre. Oui, alors Luc a tout à fait raison de relier avec, je pense, un véritable changement qui est presque anthropologique hein, sur la perception de l'environnement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on sait bien qu'on a besoin plus ou moins d'air pour vivre, la connexion de la respiration et même la chimie de la respiration, c'est vraiment quelque chose de très tardif. Ça correspond, alors vous avez cité Lavoisier, on a aussi Priestley, la chimie est quand même une discipline très internationale, mais aussi expérimentée par de nombreux praticiens. Et cette qualification, cette idée aussi que l'on va pouvoir, par cette connaissance sur les airs, résoudre tout un ensemble de problèmes, l'air vicié, le méphitisme, etc. Donc il y a l'idée vraiment aussi à la fois d'un miracle de la chimie, d'une compréhension nouvelle de la stratification des relations aussi de l'homme et de son environnement, et notamment effectivement avec cet inconnu de l'altitude. Oui, et d'une manière plus générale, je dirais que dans le cadre du développement d'une philosophie bien particulière, hein, les Lumières, on est aussi face à de nouvelles possibilités qui confirment tout à fait ce que Condorcet, Turgot ont pu construire autour du progrès indéfini. C'est-à-dire que tout d'un coup, enfin, on se rend compte que les possibilités humaines dépassent ce qu'on avait pu imaginer jusqu'alors, c'est-à-dire l'idée que l'homme était cloué au sol. Hein. Ça aussi, alors au-delà de la révolution scientifique, il y a aussi une révolution philosophique ou dans les idées, et d'une certaine façon, le ballon, la montgolfière viennent alimenter cet imaginaire ou cette possibilité du progrès indéfini et des capacités de l'homme à se dépasser. Et puis il y a de l'émotion. Ce fut dans ce moment qu'un simple manufacturier, montgolfier, nous inspira le téméraire espoir de nous approcher des astres. La moitié de toute grande découverte est due au hasard et l'autre au génie. Montgolfier, dans sa manufacture de papeterie, faisait un jour, en 1783, bouillir de l'eau dans une cafetière que couvrait un papier ployé en forme de sphère. Ce papier se gonfle et s'élève. Le philosophe s'étonne, répète l'expérience. Il médite, calcule, conçoit l'effet d'un air raréfié plus léger que l'air atmosphérique. L'aérostat est inventé et l'empire des airs devient une nouvelle carrière où l'audace des hommes s'élance. Vanda Benesch qui nous lisait un extrait des mémoires du comte de Ségur, le fils du ministre de Louis XVI, le maréchal de Ségur, qui se souvient, oh là là, petit, il a vu cette montgolfière. Alors il raconte ça, Marie Thébault-Sorger, avec quand même une relecture matinée de la légende que l'on évoquait tout à l'heure. Bien sûr, on est vraiment ici dans les mémoires, donc c'est 1826, on est vraiment dans cette construction autour de l'héroïsation de l'inventeur qui sert aussi cette mythologie du progrès. Montségur, il n'est pas si petit que ça, hein, en 1783 à 4, il quand même doit avoir une trentaine d'années. Et il se rappelle effectivement de cette impression très vive, de ce moment de saisie collective que représente ces premiers envols, mais on est effectivement dans ce moment aussi un petit peu de la mise en place d'une politique aussi un peu libérale autour des techniques et de l'émancipation aussi de toute forme d'entrave, que ce soit au sol ou que ce soit des formes corporatives. Voilà, donc on est dans cette reconstruction qui va être après fortement aussi qui construit la légende et qui va être perpétuellement réactivée à la fois par les praticiens du 19e siècle qui sont aussi des historiens et notamment dans ce moment du centenaire en 1883 de la célébration des premiers envols. Donc il y a un très long processus aussi de commémoration qui participe complètement également de la construction de cette culture, ce que j'appelle cette culture aérienne, et qui va accompagner aussi les progrès, ou en tout cas la pratique. Ségur avait 30 ans, vous avez raison, quand il voit le ballon, mais on est toujours un peu gamin quand on voit un ballon, parce que il y a de ça aussi, Luc Reuben, on peut le dire, c'est toujours difficile pour l'historien, l'historienne, de saisir l'émotion, mais aujourd'hui encore, on le ressent, déjà, sur un ballon, quelle émotion, mais même en tant que spectateur, on en voit, on dit, oh regarde, il y a un ballon là-bas, donc cette émotion devait être intense. Alors cette émotion est intense, c'est véritablement, je parlais tout à l'heure de déchirure, hein, c'est vraiment ça dans les représentations qu'on peut avoir sur les possibles. On peut quand même mesurer parce que il faut bien réaliser que les premières ascensions mobilisent une foule immense et pour la première fois des foules, on peut parler de spectacle de masse, hein, alors à Paris mais aussi en province, plusieurs centaines de milliers de personnes, hein, pour ces premières ascensions à Paris, dans des villes comme Lyon c'est 100 000, à Bordeaux c'est 50 000, c'est-à-dire à chaque fois à peu près un habitant sur deux. Donc là il y a cette question de l'impression véritablement de masse, et l'émotion elle est aussi visible. Je reviens sur la citation, enfin ce qu'on vient d'entendre, c'est aussi dans la manière de poétiser, d'enjoliver l'aventure. On imagine mal la production littéraire et poétique qui, tout de suite, est aussi esthétique. On pourrait parler de la mode et de tout ce qui est arrivé avec les ballons très très rapidement, mais le nombre d'épigrammes, de poèmes, de chansons, tout ce qui s'est développé autour de la mode en termes de vêtements, de meubles, de mobilier, de vaisselle, c'est absolument incroyable, et cela montre à quel point cette invention a percuté les imaginaires, les a construits, et il y a quelque chose de tout à fait remarquable. Oui, c'est un véritable, je dirais moi, un fait social en fait, qui a cette double particularité, à la fois de cristalliser un moment à la fin des Lumières dans la France d'Ancien Régime, et à la fois d'être ce moment du début où l'on passe effectivement de la fiction à la réalité. Et pour en revenir aussi sur ces grandes manifestations, alors ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que c'est tout autant cet arrachement à la pesanteur, s'il soumet d'une certaine façon les foules à une forme d'extase, hein, ce qui rend difficile pour l'historien d'essayer de faire une anatomie de l'enthousiasme, hein, je dirais aussi. C'est aussi parce que dans un premier temps, ce sont vraiment des expériences, c'est-à-dire on a des procès-verbaux, on a l'heure du début, l'heure d'arrivée, et que pour tout les spectateurs, pour tout le public assemblé, et ça devient presque une assemblée, presque, je dirais, politique, hein, au sens où l'idée c'est que on a vraiment le collectif des citoyens, c'est vraiment une expérience publique au sens fort, doit pouvoir assister à ce qui serait le prodige de la technique, c'est-à-dire assister à l'ensemble de la chaîne technique, hein, qui montre à la fois les gestes, à la fois le remplissage, à la fois les boîtes, les canons qui vont marquer le moment de l'envol. C'est en ce sens, le moment du vol n'est pas déconnecté de toute la chaîne opératoire qui a lieu avant et qui donne sens véritablement à ce prodige qui est de pouvoir effectivement s'arracher à la pesanteur. Donc on a là une sorte de moment de la performance technique, je dirais moi, contre nature, hein, qui est une forme de nouveau contrat de la société avec la technique. Oui, il y a toute une théâtralité effectivement de l'ascension et on voit bien à l'inverse quand ça ne marche pas. ce qui se passe, c'est-à-dire que la production de l'émotion produit aussi de la violence dans la mesure où, si l'expérience échoue, cette chaîne que vient de décrire Marie, si ça ne marche pas, eh bien on a immédiatement des soulèvements, mais très importants et très violents. C'est le cas à Bordeaux, par exemple, lors d'une expérience le 3 1784, par des expérimentateurs qui sont pas réellement qualifiés, mais qui, dans l'enthousiasme général, veulent reproduire l'ascension. On a à peu près 50 000 personnes réunies et dès que la foule comprend que l'échec empêchera le ballon de s'envoler, hein, que ce prodige ne s'accomplira pas, il y a un réel soulèvement et on est obligé d'envoyer le guet, puis la troupe, et ça se terminera par 7 personnes envoyées aux galères et 2 personnes pendues, hein, en répression à ce soulèvement absolument incroyable et qui fait très peur. Je terminerai en disant que ces ascensions, le spectacle est finalement le sous-produit, hein, de l'expérience, mais il fait très peur aux autorités, parce que pour la première fois, on voit ces centaines de milliers de personnes assemblées, qui potentiellement sont une menace pour l'ordre public, et la police n'aura de cesse que justement de surveiller le lieu, les possibilités de l'expérience, la qualité, essayer de contrôler un petit peu ces foules aérostatiques qui, encore une fois, sont un élément nouveau dans le paysage social. Luc Robène, vous êtes l'auteur de L'homme à la conquête de l'air en 2 volumes, avec cette idée que vous venez d'évoquer. Donc les premières victimes de cette conquête, c'était sur Terre. Oui. C'était sur Terre, oui, exactement. Lors des meutes, tout à fait, parce que on n'est pas encore dans l'accident de Pilate de Rosy en 1785. C'est un an auparavant, et les premières victimes de la conquête de l'air sont finalement des spectateurs qui se sont laissés emporter par leurs émotions. Je profite de vous avoir tous les deux ici pour clarifier certains mots de vocabulaire. De quoi parle-t-on ? Nous parlons d'aéronef, d'aérostat. Alors, ballon jusque-là, ça va, on le comprend. Non, aéronef, aérostat, c'est quoi ? C'est intéressant, parce que la terminologie, c'est une question qui va tout de suite se poser devant cet objet nouveau. Effectivement, le néologisme montgolfière va arriver en fait bien plus tard. Joseph de Montgolfier, lui, pense aussi à diostatique. Enfin, il y a toute une... Et on voit assez vite la technique apparaître dans les dictionnaires avec de discussions. Alors, Luc, je te laisse l'imprimer. Ah non, sur les noms, c'est assez fascinant, hein, parce que c'est toujours intéressant. Mais par exemple, sur le ballon, donc pour le coup... gonflé d'hydrogène et fermé de Jacques Charles, on va parler de Caroline, on va parler de Charlière, oui, c'est très poétique. Hein. On est là dans une société aussi qui cherche à nommer, à catégoriser un petit peu l'invention, et puis au fil du temps, les choses se feront et on finira par distinguer les montgolfières dont le principe est l'air chaud, plus léger que l'air ambiant, et les ballons, hein, qui sont des ballons fermés, gonflés au départ d'hydrogène, et un petit peu plus tard au 19e, par le gaz éclairage, qui est quand même beaucoup moins dangereux, parce que la question du danger va devenir aussi, et du risque va devenir aussi un élément assez fondamental de cette conquête. Et on parle bien de conquête, c'est-à-dire que c'est pas seulement un poème, c'est que c'est une histoire qui va avoir aussi ses victimes, ses martyrs, ses formes de concurrence. Donc le terme de conquête n'est pas usurpé quand on parle de la conquête de l'air. La conquête de l'air, avec que ce soit une montgolfière gonflée à l'air chaud ou que ce soit un ballon fermé avec un gaz à l'intérieur, toujours quelque chose de constant qu'il faut découvrir, peut-être conquérir, c'est l'atmosphère. En nous élevant dans l'atmosphère, nous constatons que la densité de cette atmosphère décroît. Et en particulier, à chaque fois qu'on s'élève de 16 km, l'atmosphère décroît de 90%. D'une façon constante. C'est-à-dire qu'à 16 km d'altitude, nous trouvons un vide à 10% par rapport à la quantité de gaz qu'on a à la surface du sol. Et à 32 km? À 32 km, c'est un vide à 1%. On a laissé 99% de l'atmosphère au-dessous. Et à 48, à 48 km, nous en serions à 1/1000 de la pression au niveau du sol. Alors, en continuant comme ça, on doit arriver à... On peut constater qu'il existe encore des molécules à 1000 km au-dessus de la Terre. Nous en sommes sûrs parce qu'il y a des nuages nacrés, que le soleil éclaire encore à cette altitude, et des aurores boréales qui nous démontrent qu'il y a là encore des molécules de quelque nature. Paul Couder, astronome de l'Observatoire de Paris, professeur à l'École Polytechnique. En 1949, nous n'allons pas aller en ballon jusqu'à si haut, parce que là, c'est des altitudes incroyables. Oui, mais en 1949, il y a la connaissance de ce qu'il y a au-dessus. En 1783, avec les frères Montgolfier, et puis tous ceux qui leur succèdent par la suite, il y a un mystère sur ce qu'il y a au-dessus de nous. La curiosité doit être là. Jusqu'où peut-on monter ? Ah oui, tout à fait, ça va être... Alors, il y a plusieurs obsessions hein, dans cette conquête de l'air. Alors, il y a celle de l'altitude, on verra qu'il y a aussi celle de trouver le moyen de diriger les ballons, parce qu'on sait s'élever, mais on sait pas se diriger. Ça va quand même être la grande obsession de la fin du 18e et du 19e. Mais la conquête des altitudes, certainement, est quelque chose d'absolument fondamental. On va à la fois imaginer faire des mesures, hein, on l'a dit, dans le ciel, dans l'atmosphère, mais on va essayer de voir jusqu'où on peut aller, ça n'est pas sans danger, mais on a quand même dès le début du 19e siècle, je pense aux expériences de Biot, Gay-Lussac ou même l'ascension de Robertson, on est dans des altitudes où on va passer 5000, 6000 mètres. On mesure ce qui se passe en altitude, on mesure aussi le froid, hein, c'est quelque chose de... Mais Jacques Charles l'avait lui-même identifié lors de sa première ascension, hein, quand on monte en altitude, il fait plus froid. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais cette conquête des altitudes est quelque chose effectivement de déterminant. On parle pas encore de record, ça viendra plus tard, mais en tout cas on essaye de voir jusqu'où on peut aller et jusqu'à quel point on peut survivre. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est de mettre ça en parallèle avec aussi la conquête de la respirabilité avec les scaphandres, par exemple. C'est-à-dire que on a une idée de la verticalité. C'est-à-dire que les techniques, qu'elles soient de type dirigeable ou de type sous-marin, participent en fait d'un même ensemble. Et le vol stratosphérique avec ses pionniers hein, au début du 19e siècle, avec ses records de Picard, etc., participe aussi de cette idée, d'une conquête qui met d'ailleurs le corps du savant, et c'est aussi ce qui fait aussi une des différences, qui le met vraiment à l'épreuve, où il devient lui-même l'objet de la mesure, de la performance et de ses risques. Marie Thébault-Surgeur, ces individus des Lumières sont des gens très pragmatiques aussi. Il y a la volonté de résoudre des problèmes de la nature, très bien, de surpasser peut-être parfois la nature. Mmh. Mais il y a aussi la question très vite de l'utilité qui se pose. C'est très bien un ballon qui monte et puis que l'on retient captif, mais qu'en faire ? On trouve tout de suite des idées d'utilisation. Alors c'est une question que pose Franklin justement en disant mais qu'y a-t-il de bon dans un enfant qui vient de naître ? Et c'est tout le paradoxe en fait de cette invention, c'est de stupéfier à la fois de la société tout entière sans apporter finalement aucune raison. Donc on a en fait énormément un chapelet de solutions dans la limite possible qui est très très vite cette idée de la direction, d'essayer, on se focalise sur la direction. Donc l'Académie des sciences de Lyon lance un grand concours pour diriger, mais alors là on n'est pas dans la demi-mesure, le plus simplement, de la manière la plus dispendieuse, la moins dispendieuse possible, à volonté dans toutes les directions. On demande au ballon, on demande à l'aérostat finalement plus qu'il n'en pourrait promettre, et l'utilisation, y compris en ballon captif, on va avoir moult essais de tentatives d'intégration jusque dans les armées révolutionnaires et pour la géographie au ballon également. Et à partir du tout début 19e, en fait, c'est la performance foraine qui va rester parce que l'achoppement de la direction, entre autres, va créer une nouvelle frontière. En fait, c'est la prochaine utopie. On se focalise essentiellement là-dessus. Là, pour le moment, nous avons réussi à faire monter des ballons. Maintenant, reste à les diriger. Voilà, on est parti. Je vois la place en bas qui rétrécit. Et petit à petit, les gens ressemblent tous à des fourmis. Éric Chardin, oui, le ballon dirigeable dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Noé Chaban, Luc Robin, Éric Chardin, ça rafraîchit. ça c'est clair. dites-nous, c'est vrai que cette conquête, c'est également celle du déplacement, de contrôler la trajectoire d'un ballon. Est-ce qu'on peut l'associer au début d'ailleurs, dans ces années 1780, tout de suite on y a pensé ? Tout de suite on y a pensé, et d'ailleurs ça fait partie du programme qu'avait déterminé la commission des aérostats avec Lavoisier, c'est-à-dire qu'il fallait réfléchir aux problèmes de production de l'hydrogène notamment, du vernis des enveloppes aussi, parce que il faut essayer de pouvoir créer une économie tout à fait intéressante, ne pas perdre de gaz, la stabilité, le quatrième élément du programme dès 17 ans, c'est comment on va pouvoir naviguer dans les airs. C'est le terme de navigation aérienne qui devient prépondérant. Alors effectivement, le concours de l'Académie des sciences de Lyon en 1784 est un bon repère parce que l'Académie pose cette question de savoir comment on peut diriger les aérostats et elle reçoit en retour sur une année 101 mémoires, donc il y a un vrai beau corpus et on a de tout dans les réponses. On voit qu'il y a une très forte assimilation de l'air à l'eau, hein, puisqu'il y a beaucoup de projets avec des ballons à voile et on a un petit peu on réalise à quel point Bachelard aurait parlé d'un obstacle épistémologique, c'est-à-dire la difficulté à changer de représentation, à changer de logiciel pour pouvoir... Le deuxième élément, c'est la force musculaire. Hein. Ceux qui ont compris qu'il fallait un moteur, le seul quasiment disponible à l'époque, c'est le muscle, hein, c'est le moteur humain. Voilà, et puis tout un tas de projets autour de la force possible, de réaction, on va essayer d'imaginer des choses. Mais cette question de la navigation aérienne, qui ne sera résolue finalement qu'à la fin du 19e, quand on va réellement disposer d'une force motrice avec un petit peu l'électricité, d'abord la vapeur électricité, mais surtout le moteur explosion, cette question de la navigation aérienne, c'est la grande obsession du 19e siècle. Hein. Elle conditionne quand même le cadre dans lequel on va pouvoir faire évoluer l'invention. Et effectivement, le tuilage, hein, le changement de paradigme, c'est-à-dire entre l'expérimentation utile, entre guillemets, et puis ce qui va suivre la production d'un spectacle, parce que, comme on ne sait pas diriger les ballons, l'utilité qu'on va leur trouver, c'est le sous-produit spectaculaire devient premier. On va assister à la naissance d'un marché, d'un spectacle de plus en plus risqué, de plus en plus osé. Il faut captiver les foules, les capturer. Cette naissance d'un marché, d'un spectacle, d'une professionnalisation, elle est directement liée au fait que on ne sait pas diriger les aérostats et qu'on ne peut pas les rendre plus utiles qu'ils ne le sont alors à l'époque. Ils restent captifs. Dans ces modèles de l'Académie de Lyon, entre autres, mais un modèle, on voit bien qu'on ne peut pas jouer de la différence de densité entre comme un bateau, entre les fluides, entre l'eau et l'air. Et un modèle va émerger, qui est celui du poisson, qui est immergé dans l'air et qui paraît conceptuellement beaucoup plus opérant pour essayer de penser la direction. Et notamment dans la commission de l'Académie des sciences qu'évoquait Luc, on a l'âme de la commission, qui est Jean-Baptiste Meunier de la Place, c'est un ingénieur qui va en 1785 créer une sorte de navire aérien qui va rester une sorte de référence et qui va être redécouvert à la fin du 19e siècle, mais qui circule dans les milieux polytechniciens dans cette première moitié du 19e siècle. Donc il a très bien vu que de toute façon, dans l'état des découvertes, il n'y aurait jamais la possibilité de produire la force musculaire nécessaire pour pouvoir contrer le vent, qu'il fallait faire un emploi éclairé des vents. Donc, se soumettre d'une certaine façon à une sorte d'aléatoire raisonné, ce qui n'est évidemment pas l'espoir dans lequel on a mis la machine, et tant qu'une motorisation légère et puissante ne peut pas contrer un déplacement horizontal, mais ce sera aussi le cas pour l'aviation, il n'y aura pas de navigation aérienne. Mais effectivement, cette continuation des pratiques par l'imaginaire et puis par cette aérostation foraine qui va être déterminante pour maintenir les savoir-faire tout au long du 19e siècle. Je me permets de revenir quand même sur l'utilisation militaire, parce que celle-là, elle a été efficace pendant les guerres révolutionnaires, ces grandes batailles, Fleurus, des ballons. Pourquoi ça a été abandonné? Alors, pour différentes raisons. Alors d'abord, faut rappeler un petit peu le cadre, hein, les guerres révolutionnaires. Effectivement, une arme nouvelle imaginée, pensée notamment par Guiton de Morvaux dans le cadre du comité de salut public. On va créer des compagnies d'aérostiers militaires, et l'idée, c'est de pouvoir amener sur les terrains d'opérations militaires un ballon captif. Hein, on va faire monter en l'air quelques observateurs dans un ballon captif. Alors, il y a plusieurs problèmes à résoudre. On revient sur le problème des enveloppes, de la production du gaz, de la possibilité de déplacer tout cet appareillage sur les champs de bataille, ce qui n'est pas une mince affaire. Tout cela sera réalisé. Il faut quand même souligner l'efficacité, hein, de ces compagnies d'aérostiers, et notamment le rôle, par exemple, de quelqu'un comme Nicolas Conté, hein, qui a été l'inventeur des crayons, hein, mais qui est là. Qui a inventé, par exemple, un vernis absolument absolument efficace, et qui permet de conserver, par exemple, ces aérostats gonflés pendant très longtemps sans perte de gaz. Alors, les raisons pour lesquelles l'invention sera abandonnée, moi j'en vois au moins une, enfin en tout cas une importante, c'est que il y a quand même, malgré la réussite, une forme de conservatisme militaire qui fait que pour le général qui est sur le terrain, c'est peut-être un peu compliqué d'avoir quelqu'un en l'air qui en sait plus que lui, hein, d'une certaine manière. Bon, c'est pas les seules raisons, probablement qu'il y a d'autres raisons en termes de coûts, en termes de maintenance, mais la question du conservatisme est absolument importante. Alors, je vous entends, vous évoquez Comté, la marque de crayon, là, qui donne les vernis, et quand on sait que Canson, c'est l'entreprise des fers montgolfiers, la marque de papier. Dès qu'on dessine, en fait, nous sommes en ballon. Tout simplement, des deux côtés. Les ballons, pas utiles pour l'armée? Alors, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, et je renverrai là mes travaux de Patrice Bray, qui a très très bien vu cette histoire de l'aérostation militaire. Et je pense quand même que cette histoire de la prévalence, de l'idée que l'on doit gagner une bataille et qu'on ne doit pas s'en remettre à cette innovation technique est assez importante, d'autant qu'en fait, surtout avec l'arrivée en fait du premier consul, puis de Napoléon. Donc on embarque effectivement, on crée une école à Meudon. Comté rationalise totalement la production en reprenant la production d'hydrogène par l'eau. Enfin, c'est assez incroyable, hein, qui a été mis au point par Meunier et par Lavoisier. Donc les ballons sont prévus pour partir à l'expédition d'Égypte, mais sont coulés en rade de Toulon. Et c'est très cher, en fait, de redémarrer toute cette production. Donc c'est un, il y a un élément. D'abord, ça coûte cher. On sait faire mieux, même pour les levées, la cartographie, par exemple. Finalement, on peut faire mieux sans l'instabilité. On essaie de faire de la cartographie au ballon, mais d'un ballon captif, c'est trop instable. Donc, pour tout un ensemble d'éléments, et dont notamment aussi cette question du rapport de la stratégie par rapport à la technique. L'investissement, si vous voulez, c'est plus une histoire de l'investissement continu de l'État ou des militaires dans cette technique, ça me nuise, et donc il ne reste plus que les gens du public. Hein, voilà, c'est ça. Voilà. C'est en cela que le ballon... C'est une question... Voilà, demeure quelque chose d'attractif, mais pour les fêtes foraines durant tout le 19e siècle, avec toujours cette question, mais comment diriger les ballons ? Tu as donc trouvé le moyen de diriger les ballons ? Pas le moins du monde. Mais alors ? J'irai où le voudra la Providence, mais cependant de l'est à l'ouest. Mais pourquoi ? Parce que je compte me servir des vents alizés, dont la direction est constante. Vraiment ? Et en réfléchissant, les vents alizés, certainement, on peut à la rigueur, enfin, il y a quelque chose. S'il y a quelque chose, mais mon brave ami, il y a tout ! Dans 3 mois au plus, je serai à Zanzibar, où j'opérerai le gonflement de mon ballon, et de là, nous y lancerons. Nous ? Aurais-tu encore l'apparence d'une objection à me faire ? Une objection ? Mais j'en aurais 1000, entre autres. Dis-moi si tu comptes monter et descendre à volonté. Tu ne pourras le faire sans perdre de gaz. Et c'est ce qui a toujours empêché les longues pérégrinations dans l'atmosphère. Dick, je ne perdrai pas un atome de gaz. Pas une molécule. Et tu descendras à volonté. Je descendrai à volonté. Comment feras-tu ? Ceci est mon secret. Le secret. 5 semaines en ballon. Le roman de Jules Verne en 1863. Ici, Luc Robène, on a, ça y est, les éléments qui permettent de diriger. Étant donné qu'avec l'industrialisation, le progrès technique, on voit apparaître d'autres formes de moteurs, peut-être adaptables à des ballons. Oui, tout à fait. Mais alors, avant, j'aimerais dire un mot sur ce qu'on a entendu, c'est-à-dire que la connaissance des courants aériens va quand même être, et des différents vents, va quand même être un élément des programmes de recherche, on pourrait dire, qui sont lancés. Alors, on y reviendra peut-être tout à l'heure, j'espère, parce que c'est un moment important, le milieu du 19e siècle, c'est-à-dire le moment où va se créer, se structurer une communauté autour d'une société, la Société aérostatique et météorologique de France, qui deviendra plus tard la Société française de navigation aérienne, et où, parmi les programmes de recherche, il y a cette connaissance des courants aériens, parce qu'on a quand même cette idée ou ce fantasme, peut-être, que ben, en fonction de l'altitude où on est, on peut prendre tel ou tel courant aérien et se diriger dans tel ou tel sens. Et c'est un petit peu ce qui est développé par Jules Verne au début des années 1860. Alors, ensuite, en termes de rupture sur cette force motrice, il y a les essais de Giffard au milieu du 19e siècle avec un moteur à vapeur, par exemple, qui sont plus ou moins performants, mais enfin la projection dans cette nouvelle force motrice est intéressante parce qu'elle montre qu'on n'a pas lâché l'affaire et que la capacité à se diriger, on a bien saisi que désormais il faudrait trouver pour être efficace une force motrice et la vapeur avec le chemin de fer, notamment ce modèle. Giffard travaille aussi hein, sur ce volet du chemin de fer. La vapeur est une possibilité. Bon, simplement, le moteur est très lourd, il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Ça n'est pas terminé, ça n'est qu'une étape. Oui, on sent un renouveau hein, dans ces années 1860, oui. Enfin, oui. À partir de cette seconde moitié du 19e siècle. sous le Second Empire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est cet entrelacement et ces allers-retours entre la fiction et les expériences. Dans 5 semaines en ballon, on a un projet de renouvellement du gaz par une sorte de dialyse de l'eau qui est totalement utopique, mais dans le moyen technique qui est celui de l'aléatoire du 18e. Les fictions ultérieures de Jules Verne développeront une vision beaucoup plus dirigiste, en fait, du ballon, enfin d'un ballon vraiment dirigeable. Et ces fictions alimentent aussi la curiosité populaire dans laquelle va s'inscrire aussi le renouveau des grands voyages et le renouveau du voyage scientifique aussi par ces grands aéronautes comme Flammarion puis Tissandier. Donc tout un frémissement avant le moment des ballons du siège qui restructure et qui réactive en fait un petit peu la possibilité d'un développement concret. Les ballons du siège. Oui, les ballons du siège. Alors, on est passé. Juste, je reviens un mot sur le demi-siècle quasiment de spectacle aérien. On est passé très rapidement dessus, mais c'est important parce que ça permettra de comprendre par contraste les postures ou les positionnements pratiques et idéologiques qui vont suivre. C'est-à-dire que en gros, la première moitié du 19e siècle est dominée par la naissance d'un spectacle, d'un marché de plus en plus concurrentiel, où on va voir se développer, au-delà de l'ascension, d'une part, des attractions, le saut en parachute, par exemple, initié par Garneret en 1797, qui va devenir un accompagnement nécessaire de toutes ces fêtes spectaculaires aéronautiques. La place des femmes aussi, dont on n'a pas encore parlé, parce que c'est une histoire de mecs, pour l'instant. La naissance d'un marché et d'une nouvelle sociabilité, en particulier le fait qu'on va autour de la famille, du couple d'abord, de la famille et de véritables dynasties, un petit peu comme dans le cirque, créer des familles d'aéronautes, donne une opportunité tout à fait nouvelle pour les femmes de se saisir justement de cette activité dans laquelle elles vont égaler, voire surpasser parfois les hommes dans la prise de risque. Et pour terminer, et pour être assez concis, ce spectacle va produire des choses absolument incroyables avec des ascensions donc et des centres parachutes, des ascensions équestres où on s'élève dans un ballon mais juché sur un cheval ou tout autre animal, des illuminations qui vont coûter cher parfois aux aéronautes. Je pense à la mort de Madame Blanchard par exemple en 1819 qui s'élevait avec un ballon gonflé d'hydrogène mais avec des feux d'artifice au-dessus de Tivoli et Paris évidemment. Ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que le ballon s'enflamme et la malheureuse est précipitée sur les toits de Paris et meurt. Voilà. Donc le développement de ce marché du spectacle qui va être remis en question à partir de la moitié du 19e siècle, au moment où on a les expériences de Giffard sur la force motrice de la vapeur, au moment où il y a un regain des expériences scientifiques, au moment où on va commencer à structurer une communauté scientifique, ce qui n'était pas le cas. On a parlé d'inventeurs plus ou moins isolés. À partir du milieu du 19e, avec la création de sociétés aérostatiques, on structure une communauté autour de programmes de recherche, on fédère, au fond, des compétences des hommes, et on remasculinise, du coup, puisque les femmes ne sont ni savantes, ni ingénieures, etc., exit les femmes, qui jusque-là avaient gagné une certaine place, et dans le cadre de ces réseaux et de ces nouvelles sociabilités du savoir, de l'ingénierie, les femmes quittent à nouveau la scène aérostatique, aéronautique. Ah, c'est drôlement intéressant, Luc Robin, ce mouvement, un monde très masculin aux origines qui se féminise le temps où le ballon est élément de spectacle. Vous avez travaillé sur ces femmes aéronautes, une nacelle à soi. J'aime beaucoup cette idée-là que dans ce monde du spectacle, la femme a sa place, elle ne l'a plus, elle la perd quand ça redevient sérieux. On voit bien toujours ce schéma de domination. C'est vraiment... Exactement. Elle la regagnera un petit peu quand on va parler de sportivisation des ascensions à la fin du 19e, surtout au début du 20e siècle. Mais dès qu'on est sur des enjeux scientifiques, voire le scientisme est positif, et puis parce qu'on va intégrer dans ces réseaux scientifiques que j'évoquais des ingénieurs, des polytechniciens, des militaires, des savants, etc., il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de place. Ouais, cette sociabilité nouvelle. Ouais. Avec ce moment très particulier, on l'a évoqué, Second Empire, fin du Second Empire et s'ensuit le siège de Paris pendant la guerre franco-prussienne, franco-allemande avec ces ballons. C'est vrai que ce moment où pendant le siège de Paris, fin années 70, début 71, on peut sortir de Paris en ballon, c'est resté profondément dans les mémoires. Hein. C'est un véritable... Je pense que c'est une véritable bascule parce que c'est quand même la preuve que tout en n'étant pas dirigé, enfin, les ballons peuvent être utiles, le vol libre, mais qui serait totalement impossible sans tout ce qu'a décrit Luc auparavant, c'est-à-dire tout le maintien de ses savoir-faire, la construction aussi de ces sociétés d'activistes, en fait, autour de l'aéronautique, et le véritable impact des ballons du siège va pouvoir permettre aussi, avec le début de la Troisième République, d'essayer de valoriser et que le politique réinvestisse aussi symboliquement. Alors, d'où cette histoire de commémoration, de centenaire, et puis le réinvestissement aussi militaire, qui va d'abord se faire effectivement autour du dirigeable et effectivement remasculiniser. Évidemment, le domaine. Et l'effet du siège de Paris, parce qu'il y a quand même, c'était un petit peu aléatoire, hein, tu as parlé de ballons libres, il y en a quelques-uns qui ont terminé quand même dans l'océan, et ça relance la question de l'investissement de l'État dans la construction d'aéronefs, et typiquement le projet qui est juste après le siège de Paris, le ballon de Dupuis de Lhomme, est bien à l'image de ce que l'État pense pouvoir soutenir, puisqu'il va financer la construction de ce grand dirigeable. La force motrice, on est toujours sur la force musculaire avec des rameurs, mais on imagine un grand dirigeable. Donc ça relance quand même l'attention de l'État, des militaires dans une certaine mesure, et le siège de Paris a été de ce point de vue un élément déclencheur ou redéclencheur un petit peu de cette... va alimenter en fait cette possibilité de produire une science utile, on va dire, hein, et non plus du spectacle. Et 2 ans après ce siège de Paris par les Allemands et ces ballons qui permettent à certains Parisiens de quitter la ville assiégée, la Société française de navigation se réunit et expose ses projets. Vous voulez, en fondant une société nouvelle, étudier d'une manière réellement scientifique les questions si intéressantes de l'aéronautique. Vos armes seront l'observation, le calcul et l'expérience. Les questions délicates et complexes que soulève la construction de véritables aérostats militaires attireront votre attention. Et je ne doute pas que par votre compétence, vous ne puissiez, dans cet ordre d'idées, rendre de réels services à votre pays. En 1972, le discours d'inauguration de la Société française de navigation aérienne par l'ingénieur Crossé Spinelli, qui est le président provisoire de cette société, qui est héritière, hein, vous nous l'avez dit, Luc Robène, de ce qui s'était passé auparavant. C'est pas une naissance comme ça d'un coup. Oui, alors 1872, hein, pas 1900. Excusez-moi, vous faites bien de me corriger. Oui, c'est la naissance de la Société française de navigation aérienne en 1872, procède en fait d'un schisme, c'est-à-dire que sur les premiers sociétés qui s'étaient fondées, les ambitions des uns et des autres avaient un petit peu divergé, et certains voyaient déjà même la possibilité de tourisme aérien, bref, ça n'apparaissait pas suffisamment sérieux et suffisamment décisif, donc la fraction la plus dure va se regrouper au sein de cette nouvelle société. Le discours, on l'entend bien, hein, la science, la possibilité d'une science utile, de débouchés militaires, patriotiques, donc là on est vraiment dans quelque chose d'absolument important, hein, dans les choix qui sont faits. Il y aura d'autres débats, hein, autour justement des nouveaux projets. Est-ce qu'il faut soutenir l'aérostation ou soutenir plutôt les projets de machines plus lourdes que l'air, on en parle déjà, donc ça fait partie des débats qui guident ces choix, en fait, hein, de reformer une société aérostatique nouvelle, encore une fois guidée par le souci du sérieux, de l'utile, du patriotique. Avec ce personnage, Croce Spinelli, voilà. Qui, quelques années plus tard, on était en 1872 avec ce discours, 3 ans plus tard, tente une élévation. Et pour terminer quand même cette émission, Luc Robin, ou Marie Tebosserger, dites-nous, parce que dès que l'on sillonne la France et que l'on va au spectacle, nous sommes encore avec une histoire de ballon dans n'importe quel zénith. Alors le zénith, c'est le nom du ballon qui va élever dans les airs Croce Spinelli et Civelle, ainsi que Gaston Tissandier, 3 aéronautes qui ont pour objectif d'aller le plus haut possible. Alors ils ont été briefés, si je puis dire, par Paul Bert, qui lui travaille sur la pression barométrique et qui a réalisé un certain nombre d'expériences sous cloche, qui sont d'ailleurs lesquelles cloches sont conservées au musée de l'air et de l'espace. Et il leur a recommandé, à partir d'une certaine altitude, de respirer de l'oxygène pur. Le problème, c'est que justement au moment où ils atteignent ces altitudes très élevées, ils vont aller au-delà de 1000 mètres, ils n'ont plus la force, la volonté s'éteint, la force s'éteint, et donc ils ne vont pas réussir à respirer ces gaz. Et 2 des aéronautes vont périr, seul Gaston Tissandier va survivre, et il en gardera une surdité. Ça a frappé la France. Hein, on pourrait parler de martyrologe là sur la question du sacrifice, hein, de ces aéronautes scientifiques qui sont finalement montés le plus haut possible et qui ont péri, hein, pour la science. Donc on reste dans le lit quelque part de ce discours et de ces idées, de l'exploration et du sacrifice et du don de soi. Il y aura une souscription en France, hein, pour dresser des statues, etc., absolument importante. Hein. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué les esprits, cette mort de ces aéronautes. Ben oui, c'était en 1875, avec le zénith, ils voulaient atteindre le zénith, ils n'ont pas atteint, ils ont atteint la mort, c'est dommage pour eux, mais en tout cas le lieu est celui, le lieu de l'envol est celui où a été construite une salle de spectacle qui est devenue le zénith, et puisque tous les zéniths s'appellent zénith, il y a ce lien à faire sur cette histoire absolument passionnante qui nous conduit quand même à cette fin, et on le sait bien, hein, c'est la fin sinistre de ces dirigeables. Est-ce que aujourd'hui vous sentez que l'histoire est possible, elle peut reprendre comme elle a connu des épisodes un peu d'endormissement? Il y a une réactivation aussi qui est liée aux questions environnementales. On a l'idée sans doute que l'aérostation serait un moyen peut-être plus durable, ce oui. qui est vraiment serait c'est vraiment à étudier, ce qui n'est certainement pas le cas, mais certainement. La fin du ce verrou en fait autour de l'explosion du Zeppelin en 1737 a effectivement en 1937 qui a aussi frappé les esprits, hein. Voilà. Ça a été une catastrophe, le ballon qui s'enflamme en public, filmé en direct, ouais. Enfin, et commenté en direct, avec le journaliste qui pleure. Mais le ballon perdure, une sorte de motif. Oui, poétique. On en a reparlé pour soulever des grandes charges. Enfin, c'est pas tout à fait éteint. C'est pas éteint. Bon, en tout cas, cette histoire-là est bien vivante et vous la portez magnifiquement. Merci beaucoup à vous deux, Luc Robin, Marie Tebosserger, de nous avoir raconté cette histoire de ballon. Merci à tous les deux. Merci. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi la bataille de Bouvines fut-elle un enjeu de mémoire? La célèbre bataille qui se déroula le 27 juillet 1214 près du village de Bouvines, dans le nord de la France, opposa les troupes royales de Philippe Auguste à une coalition constituée de princes et de seigneurs flamands, allemands et français, renforcés par des contingents anglais. La victoire du roi de France renforça la dynastie capétienne à la fois face à ses ennemis extérieurs, mais aussi face aux seigneurs qui contestaient la monarchie à l'intérieur du royaume. L'importance historique de cet événement fut immédiatement célébrée par les chroniqueurs de l'époque. Au XIXe siècle, Bouvines devint le symbole de l'émergence de la nation française. Et dès les débuts de la Troisième République, les manuels d'histoire racontèrent à tous les petits Français les péripéties de cette fameuse bataille. C'est dans le prolongement de cette mobilisation mémorielle que furent préparées en 1914 les festivités du 700e anniversaire de Bouvines. Comme le 27 juillet tombait pendant les vacances scolaires, il fut décidé que la commémoration aurait lieu le 28 juin. Une souscription nationale fut lancée pour la construction d'un monument grandiose, glorifiant un Philippe Auguste majestueux et guerrier. La pose de la première pierre fut le point d'orgue de la cérémonie. Mais ce monument n'a finalement jamais vu le jour. La principale raison qui explique ce renoncement, c'est bien sûr le déclenchement de la Première Guerre mondiale. L'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, qui mit le feu aux poudres, eut lieu le 28 juin 1914, c'est-à-dire le jour même de la commémoration du 700e anniversaire de Bouvines. La souscription fut suspendue et, après la guerre, la priorité mémorielle fut accordée aux soldats tombés au champ d'honneur. Sur le monument aux morts inauguré à Bouvines en 1934, le souvenir de la bataille de 1214 fut simplement évoqué par une citation de l'écrivain Paul Bourget « La bataille de la Marne, c'est Bouvines renouvelée à 700 ans de distance ». Si Bouvines n'a jamais pris place dans les commémorations officielles de la République, cela tient aussi au fait que les organisateurs ne sont pas parvenus à lui donner une dimension consensuelle. Félix Desaux, le maire de Bouvines, avait joué le rôle essentiel dans l'organisation du 700e anniversaire de cette bataille. Or, il était issu d'une grande famille de la haute bourgeoisie lilloise et ne cachait pas ses opinions royalistes. Certes, des républicains avaient été invités à participer au comité qu'il avait mis en place pour préparer les cérémonies. Lors des festivités officielles, les marqueurs républicains, notamment les drapeaux tricolores, furent bien présents. Toutefois, beaucoup de décorations évoquaient la royauté. Et lors du défilé, la stratégie consensuelle que Desaux avait privilégiée fut battue en brèche. Les socialistes antimilitaristes tentèrent de couvrir les champs royalistes par des cris et des sifflets. Étant donné que les exploits guerriers de Philippe Auguste n'étaient pas unanimement salués par le peuple français, le président de la République, Raymond Poincaré, qui avait été invité aux festivités du 700e anniversaire de Bouvines, se fit porter pâle. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Mathieu Coppal, Jeanne Delecroix, Toscan Viudès, Jeanne Copet et Maïwenn Guizou. Le cours de l'histoire à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. Lorsqu'Hélène ouvrit son colis Amazon, elle eut des papillons dans le ventre. Ce double compartiment, ces 8 modes de cuisson, c'était la frite sans huile de ses rêves. À un prix si bas qu'elle ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des super produits et des super prix, découvrez nos super offres dès maintenant sur Amazon.